Tous les mercredis dès 20h, d'étranges individus se rassemblent dans un lieu tenu secret à Bruxelles. Cet endroit, ils l'ont appelé la trappe. Ils pensaient faire leur réunion hebdomadaire seuls, à l'abri des regards. Mais ils étaient loin de se douter d'être dans un mode ultra connecté. Non loin des oreilles de tout Bruxelles, ayant perdu toute discrétion, autant mettre les micros et faire de la radio. La trappe. 20h, 22h. La trappe avec Jadoul et toute son équipe. Wow! Bienvenue, bon mercredi, vous êtes sur KIF, on est en direct, 20h02, on démarre cette émission comme chaque semaine avec moult choses. Ouais, je démarre déjà avec un mot très jeune. Moult choses dans cette émission, ça signifie qu'on a du contenu pour faire jusqu'à minuit si vous voulez. Mais on va se limiter jusqu'à 22h. Et des poussières. Bref, plein de belles choses. Ça, on sait pas encore. Hein. Ouais, ça, c'est toujours le côté aléatoire de cette émission. Ah oui. On sait comment ça démarre. On sait pas comment ça termine. Enfin bref, soyez les bienvenus. La trappe est ouverte. Il y a de la place. Hein. Ça paraît petit comme ça, mais il y a de la place pour que tout Bruxelles nous écoute. Et même dans l'au-delà avec, avec Internet. Bienvenue, la trappe, votre rendez-vous du mercredi soir pour vous changer les idées. Bonsoir, Kix. Bonsoir. T'as passé un bon début de semaine? Ben parfait. Ah. Vraiment parfait. Fabuleux. Bon, je commence à pas avoir mal à la gorge. J'ai cru entendre que vous aussi. Ouais. Mais mis à part ça, ça va. On est déjà pas mal. Salut Antoine. Bonsoir tout le monde. Oh là là, il est de retour, tu nous as manqué. Oh bah écoutez, vous aussi m'avez manqué. On m'a beaucoup parlé de toi parce qu'ils ont beaucoup aimé ton analyse sur la mise à jour du macOS la fois dernière. Oui, il y a presque un mois. Ah, il y a presque un... Ça fait déjà un mois que tu nous as laissé ça. Oui, c'était il y a trois semaines je crois. Oh là là. Heureusement qu'il y a les podcasts pour écouter toute l'émission sur Spotify, sur Google Podcast. Très bien. Oui, on s'y est mis. Et il y a aussi Apple Podcast, bref, toute la clique. Vous pouvez rechercher la trappe Jadoul sur les réseaux sociaux et tout. Et vous trouver l'émission pour la réécouter en non-stop. Dans les bonnes crèmeries, comme on dit. Oh oui, voilà. Ça, c'est encore mieux que ce que j'ai dit. On va avoir notre reportage qui nous a marqué. On l'a mis dans le Pour toi de la semaine. Vous allez l'écouter d'ici quelques instants. On a une enquête. Les jeunes vont-ils devenir sourds? Pas pour ce que vous pensez. Ça se passe dans un instant. On va parler des téléviseurs 8K. 8K, hein, voilà. Et on va faire un petit tour chez Jean-Marie Le Pen. Oui, il vit toujours. On a des nouvelles de ce monsieur, ça va très bien se passer. L'interview combinée comme chaque semaine. Nos pires chanteurs seront dans le Blanklet à 22h. Et puis le crypto troquet de Jean-Michel réouvrira. Bref, plein de belles choses. Je suis content qu'on ait réussi à se dire bonsoir sans bafouiller. Ouais, c'est vrai, d'habitude on se parle même pas. Ouais. On arrive ici, puis on se dit même pas bonjour, on se calcule pas en fait. D'ailleurs, on se crache un peu au visage et puis voilà, on s'ignore. Ah bon, ici on fait genre parce qu'on est en direct. Non, mais tu sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à dire bonsoir et qui ont des postes un peu plus importants que nous. Par exemple, le présentateur de France 2 au 13h. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver, je vais y arriver, ça commence mal, bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Ça la fout mal, hein. Ouais. Tu démarres ton journal avec une bafouille pareille. Bon, j'ai l'impression que cette semaine on est dans le creux, hein. C'est entre les fêtes et la vie normale. Bon, c'est tellement mort que les journaux, ils n'ont rien à raconter. La télé belge en ce moment, c'est très calme. Même s'il y a 3 jours de grève à la SNCB, ils n'ont pas beaucoup de choses à raconter. Tranquille, la vie de pigeon dans le hall de la gare des Guillemins. Aucun risque de se faire écraser par un navetteur pressé. Mmh. Ah oui, ça c'est sûr. Bon alors, l'équipe, là, ils voient rien dans la gare, personne en vue. Il faut faire un reportage. Alors, ils sortent de la gare. Ils vont voir un peu dans Liège s'il y a quelque chose, oui, non. Oh, un monsieur! Les trains font partie de la vie d'Ernest. Tout en haut, des voies réservées aux trains de marchandises et en bas, les trains de voyageurs. Okay. On a tellement l'habitude du train que finalement, ça ne nous marque pas. Quand il n'est pas là, ben c'est un calme qui passe comme le reste. Disons que voilà, on ne le ressent pas spécialement. C'est fou ça. Ok, très bien. Bon, le journaliste est frustré, vous comprenez, il doit ramener à sa rédaction un beau reportage. Alors il sort donc sa meilleure question à un mec qui habite le long des voies. Il en a rien à foutre de la grève. Hein. René habite lui aussi au pied des voies, dans la même maison depuis 1944. Le train, on ne l'entend plus finalement. C'est vrai, vraiment. Vous ne l'entendez plus, mais peut-être que justement, quand il n'est pas là, ben vous n'entendez qu'il n'est pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Comme vous ne l'entendez pas quand il est là, donc quand il n'est pas là, vous l'entendez. C'est un peu ça, si vous voulez, oui. Ça vous perturbe, ça? Un peu, oui. Il n'a pas écouté la question, je pense. Je pense que c'est la question qui l'a perturbé, en fait. C'est ça. Plus que les trains. Vous pouvez répéter la question? Quand il est là, qu'est-ce qu'il n'est pas là? Parce que pendant qu'il est là, vous sentez qu'il n'est pas là. Vous avez noté? Alors, on recommence. Bon, moi je réponds Stéphanie de Monaco. Hein. Tableau blanc, on y va, ouais. C'est parti. Bon, grosse émission ce soir avec un gros sujet. On va parler d'une mise à jour sur les ordinateurs et les iOS et les Android. La dépersonnification. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En gros, on prend tout ce qu'on dit d'habitude, comme par exemple, vous avez été déconnecté, déconnecté et E, et on le change et on écrit à la place, il y a eu une déconnexion. C'est une des mises à jour des systèmes d'exploitation récemment. Vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à nous laisser un message vocal. Au 02 315 10 15. On lit tout, on écoute tout dans la suite de cette émission. Ça se passe pas sans vous. De toute façon, la trappe, c'est jusqu'à 22h et on a plein de belles surprises pour vous et des bonnes choses. Et le message vocal, c'est sur WhatsApp, bien sûr. Ah oui, bien sûr, oui. Tu peux envoyer un message vocal par la poste, mais je sais pas comment tu fais. J'imagine le mec dans son enveloppe. Quand tu l'ouvres. Cette question, ouais. Elle est peut-être un peu marquée. Oh, dégueulasse. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Qui sera dans le FaceTime cette semaine? Franglish. Waouh, interview exclusive, il n'y a que la trappe qui peut vous offrir un grand moment comme celui-là. Ça va être beau. Et j'espère qu'il sera bien, Kix. J'espère aussi. Ouais, c'est RK. Est-ce que vous connaissez Radio Falminioul? Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Non, eh ben c'est bien dommage. Oui, vous connaissez. Ah oui, ah oui. Ah oui, nous on connaît. Ah oui, dans la trappe fois, oui. Dans la trappe, on connaît. On l'a eu la semaine passée. Et pour ceux qui n'étaient pas là, par contre, il faut déjà rattraper le premier épisode de Radio Falminioul sur le podcast. Mais surtout, il faut pas louper le prochain parce que ça va être encore pire. Oui, ça c'est sûr. Vous suivez un peu les Miss France ici, Kix? Non, bah vite fait avec ma copine, mais pas plus que ça quoi. Elle est un peu fan ou pas? Parce que je connais. Oui. Pas. Ah ouais. Elle regarde tout le temps, oui. Ah ouais, j'ai jamais trouvé des vrais fans de Miss France, moi. Limite, si elle voulait participer, enfin, elle a envie de participer, mais bon, voilà, déjà elle est pas française, mais. Et tu peux dire qu'elle a le physique pour, hein, tout ça. Oui, non, sauf qu'elle est un peu trop petite. Oui, il y a des catégories, hein, on peut pas y aller comme. Tu pouvais pas un peu. C'est pas comme chez McDo. Avec elle, voilà, l'encenser à l'antenne. Ah mais si, largement, elle a les qualités pour. Elle est très jolie. Voilà, mais malheureusement, je dis, c'est pas comme chez McDo. Chez McDo, on peut y aller comme on veut. Là, pas du tout. C'est ça. Et tu suis un peu, Antoine, les Miss France? D'un œil vaguement distrait. Je vous propose de faire une expérience d'ici quelques instants en rapport avec Miss France. Je vous en dis pas plus, ça arrivera dans quelques instants, ça se passe dans la trappe. Ça, c'est l'art du teasing. Bon, bref, on va passer à notre pour toi de la semaine. Alors, qu'est-ce que c'est le pour toi de la semaine, Kix, cette semaine? Alors, cette semaine, on va parler des Jones, donc c'est sur RTL. Ah oui, les Jones, forcément, bah, oui. On en a déjà traité une fois un sujet dans cette émission. Qu'est-ce que ça donne à RTL quand ils s'interrogent sur la signification du langage des ados? Savez-vous ce que veut dire la moula? Qu'on n'a pas de chance, mais je suis pas très sûr de moi. Je dirais le sexe de la femme, mais je suis pas sûr. La moula, le sexe de la femme. Ça pourquoi pas belge? Oh, la moula. Peut-être belge, oui. La frita, la moula. Non, alors ça devient espagnol. Non, il faut faire la frita. Non, ça c'est. La moula. C'est pas chez nous, ça. Bon, les réponses, elles sont pas folles, hein. Même si quelqu'un était peut-être pas loin de la réponse, quoique, bah non, voici la réponse. Nora, 10 ans, a la bonne réponse. C'est de l'argent, quoi. En rap, ils utilisent ça pour pas dire argent, euro. Ah oui, parce que c'est un gros mot, argent. Oui, j'avoue. Ils doivent l'éviter. Attends. Elle a 10 ans? Ah oui, oui, c'est il y a 10 ans. 10 ans. Voilà, elle a la réponse, mais ça c'est fait. Allez, on continue le festival, monsieur le suivant. Autre essai, le mot chop. Une chop pour boire? Une chop de pils? Une idée ici? Oh bah déjà, à consommer avec modération. Oui, bien sûr. Oui, et surtout, il n'est que 20h. Hein. Oui, c'est ça. Ça ne fait que 10h qu'on a démarré. Une idée? Bah, je sais pas, chop, ça peut être petit. Genre, ouais, comme ouais. Un petit haut, une chop. Bah, je sais pas. Si c'est pas de la bière, c'est quoi RTL? Une chop. Bah oui, c'est une voiture. Ah! Bah oui, évidemment. Ouais, bien sûr. Attends, bien c'est sûr. Évident, bah. Enfin. Attendez. Juste un dernier pour le jeu. Difficile de savoir quels mots vont traverser les tendances. Le mot charo, par exemple. Non, c'est sur quelques charos des charos. Un charo, c'est un monsieur qui va pécho plein de meufs. Le diminutif de charognard. Ah, d'accord, charognard. C'était si facile. Ça, franchement, les doigts dans le nez. Bon, je vous rappelle qu'on est sur un reportage d'RTL TV, une chaîne nationale belge. Bon, il faut qu'on appelle un spécialiste, là. Pour ce professeur de littérature française, ces néologismes servent souvent à raccourcir une idée. Charo, c'est un peu compliqué. C'est le séducteur, c'est l'adultère, c'est celui qui veut toujours plus, c'est le don Juan. D'accord, bah c'est bien précis. Alors comme ça, les parents vont s'y retrouver. Certains mots finissent par être compris des parents. On peut dire de l'argent quand on demande de l'argent à papa et maman, on demande pas de la moula à papa et maman. bah pourquoi pas. Hein, maman, tu me filerais pas de la moula? Donne-moi de la moula! Dépêche-toi! Pas obligé de le dire en criant. Non, mais imagine, dans 10 ans. Wesh, sœur, t'aurais pas un peu de moula pour moi? Non, mais franchement, là, je trouve qu'ils ont été propres, RTL. Je suis assez fier d'eux. Le reportage est loin d'être ringard. Ça a mis à jour tout le monde sur le vocabulaire. Bravo, RTL. Le langage Jones évolue tous les jours. Non, mais les gars, vous avez fait un reportage qui était bon jusqu'ici et vous dites Jones, vous pouvez pas finir comme ça. J'avoue qu'ils ont mal fini. Vraiment. Mais qui dit ça en plus? Mais Jones. Si. Ta vieille tante qui vient. En 2022, tu dis plus Jones. La vieille tante qui vient au coin de la table et qui fait « Alors les Jones, ce jour, c'est un peu de qui dit plus. » Oh là là. On n'a pas les mêmes tantes, mais... Non, on parle de quelqu'un de ta famille, ah, peut-être. Ah non, ça va. Le 20h-22h, c'est avec Jadoul. Dans la trappe sur KIF. Ouais, les Jones vont peut-être devenir sourds. C'est une enquête, on en parle dans quelques instants. C'est un vrai sondage, hein. On débriefe ça juste après Justin Bieber. C'est KIF que vous avez choisi pour terminer votre journée. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on n'avait pas de façon de démarrer cette émission sans vous. L'actu connecté et les dernières tendances sont dans la trappe. Vrai sondage, les jeunes vont-ils devenir sourds? C'est très alarmant. Et... Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Les jeunes vont-ils devenir sourds? C'est une étude de BMJ Global Health. C'est en gros une étude qui explique qu'un quart des jeunes âgés de 12 à 34 ans dans le monde risquent de perdre l'ouïe, soit près de 2,8 milliards de personnes quand même. C'est rassurant. La raison, les écouteurs et les casques. Alors j'adore parce que on a des casques sur la tête toute la journée en radio, nous, donc on est déjà ravis. Nous, on est au-delà du sondage, ça va beaucoup plus loin. Mais ici, c'est vraiment plus grave. Ça veut dire que si vous visualisez bien, entre tous ces adolescents et jeunes adultes, ils pourraient être affectés par des troubles permanents de l'audition à cause des volumes beaucoup trop forts, des kits main libres et tout ça, ça compte avec. Hein. Et donc, 23,81% des jeunes montraient le volume des oreillettes à fond, ça veut dire dans le rouge, tu vois, sur l'iPhone. Et à partir du moment où ils peuvent plus cliquer pour augmenter, bah, c'est que le son est bon pour eux. C'est quand même intéressant comme sondage. Ça veut vraiment dire que si on met pas de limite, les gens se niquent les oreilles et sans pression, quoi. Ouais, tu nous apportes quand même de bonnes infos. La semaine passée, c'était quand on met trop les doigts dans le nez, on devient complètement neuneux. Là, c'est à cause des écouteurs. Et quoi, sympa. Il y a un problème avec mes infos? Non, pas du tout. Non, abaisse-toi, tiens. Hop là, merci. Non, mais franchement, je trouve ça intéressant parce que pour les parents qui écoutent ces émissions et qui ont des enfants ou des jeunes adultes ou des ados et voilà, qui ont des écouteurs et tout, alors ça fait vieux con de dire attention, tu mets pas trop fort, mais c'est quand même intéressant de savoir les lésions que ça crée et surtout que c'est pas une légende parce qu'il y a plein de trucs qu'on dit comme ça, ouais, attention, mets pas trop fort, ça rend sourd. Là, c'est vrai, c'est une étude qui le montre. Je sais pas, vous dans l'équipe, comment vous consommez dans vos casques, est-ce que c'est fort? Moi, ça va, non, c'est pas trop fort. Non, c'est jamais trop fort et en plus, ce qu'il y a, c'est qu'avec les appareils, bon, après, on va revenir sur le débat Apple et compagnie, mais ils font très attention aussi sur les questions de santé. Donc par exemple, si vous avez une Apple Watch, il y a une application qui capte le son ambiant. Si le son est trop fort, si vous êtes dans un environnement trop bruyant, il va vous envoyer une notification pour vous dire attention, si tu restes un peu trop longtemps à cet endroit-là, ça risque de péter tes oreilles. Moi typiquement, j'ai ça quand je sèche mes mains dans un sèche-cheveux automatique. Là, le truc Le Dyson qui sèche les mains. Ouais, j'appelle ça un sèche-cheveux automatique parce que t'as l'impression que c'est un sèche-cheveux. Le sèche-cheveux des mains. Voilà, et ma montre réagit tout de suite et elle me dit attention, environnement bruyant. Ouais, comme quand tu tombes et que tu dis attention à ce que vous avez fait une chute. Voilà. Mais j'ai découvert aussi un truc dans l'iPhone, c'est dans l'application, je pense, santé ou le rapport quotidien, bref, je sais plus. Dedans, il y a la moyenne de ton volume d'écoute. Et donc, dans ce graphe-là, tu as à un moment la courbe qui tape dans le rouge, et puis elle redevient de volume normal et tout. Et donc, généralement, je croise le tableau du volume sonore avec mon trajet jusqu'au boulot. Et je me rends compte que plus je me rapproche du boulot, plus j'augmente. Ah oui, t'écoutes fort, toi, généralement. Non, ça va. Et franchement, je me suis fait un truc parce que au bout de quelques années en radio, tu te rends compte que le casque, si tu le mets trop fort, bon, bah, tu niques quand même ton outil de travail qui est tes oreilles. Donc, tu sais, on a en radio, pour ceux qui connaissent pas du tout le milieu de la radio, on a des viewmètres. C'est un espèce de trucs pour visualiser à quel niveau le son va, si c'est fort, pas fort. Et moi, je me suis mis pour mon casque une limite, je sais dans tel et tel studio, quelle est cette limite-là pour ne pas la dépasser, pour ne pas inconsciemment m'exploser les oreilles. Bon, semaine prochaine, test auditif. Ouais, on va faire ça, on va faire un essai, voir si dans les oreilles ça fonctionne toujours. Voilà, vous êtes au courant, c'est le chiffre à retenir, 23% des jeunes montent le son au-delà de la limite raisonnable. Et faut faire gaffe parce que ça peut créer de sérieux dommages. Julien Ganguet, oui, c'est un ex-toxicomane, il sera dans notre interview combinée de la semaine. Bienvenue. Et, bonjour messieurs, ça va être très sympa, on fera un petit tour chez Jean-Marie Le Pen, on aura notre invité du FaceTime qui sera... Franglish. Voilà, Radio Falminioul, ça suivra et on fera un truc avec les Miss France. Enfin, oh yes, j'ai hâte. Vraiment, ouais. J'ai hâte. Elles seront pas là. Je sais pas ce que t'as préparé, mais. Non, mais. J'ai hâte. J'ai pas été jusque-là non plus. Ouais. Ce serait pas une reprise de Cascada, ça, si je dis pas de conneries. Il me semble. Oh là là. Bravo, c'était qui Lorenzo. Bravo, Lorenzo. Le 20h-22h, c'est avec Jadoul. Dans la trappe sur KIF. Je m'attendais pas à ce que ce sujet fonctionne déjà autant dès le début de l'émission. L'arrivée du langage non sexiste dans les interfaces utilisateurs. Donc en gros, est-ce que vous êtes pour ou contre qu'on dépersonnifie les outils numériques les gens? C'est-à-dire que au lieu que votre ordinateur vous dise voulez-vous être réveillé à 18h, ils vont dire il y a un réveil de programmer. Voilà, c'est ne pas personnifier les interactions avec l'utilisateur. Ok. Compliqué, bah, mais ouais. C'est un sujet qui parle un peu de tout au final, parce que on va parler du genre, on va parler de la place de l'informatique dans les relations homme-machine, bref, ouais. Plein de choses à dire. Si vous avez quoi que ce soit à raconter, un truc qui manque peut-être dans la manière de respecter certains sexes, certaines orientations, certaines qu'importe, dites-nous tout par message vocal au 02 315 10 15. Vous ajoutez ce numéro sur WhatsApp, on écoute tout d'ici quelques instants. Le temps pour nous de faire un petit tour sérieux. Oui, c'est une émission connectée, on l'oublie pas, du côté d'une autorité européenne qui a décidé que ça y est, il faut faire un index concernant la consommation énergétique des téléviseurs. Alors ça, c'est pas nouveau, hein. On connaît déjà les catégories classe A, B, C, D, E, F, mais surtout il est question maintenant de respecter et faire respecter ça par les constructeurs de télé, par exemple, un téléviseur 8K. Alors c'est génial, hein, ultra haute définition. Qui alors, a du 8K ici? Déjà, qui a de l'HD? Oui, déjà, en plus. On va déjà demander à la RTBF s'ils ont de la HD et puis on verra. Non, mais c'est vrai. Les écrans 8K, alors c'est 33 millions de pixels contre 8 millions pour les écrans 4K. Bref, on s'en branle. Le plus important, c'est de savoir que les téléviseurs 8K sont encore plus énergivores, voire même extrêmement énergivores. Et ils sont dans le collimateur de la Commission européenne. C'est-à-dire que depuis 2021, la consommation des écrans OLED et LCD est plafonnée depuis le 1er mars 2022 et les écrans 8K devront aussi se plier à cette norme, c'est-à-dire que la norme est tellement basse par rapport à la nécessité d'un écran 8K pour fonctionner que les écrans 8K, ça va être un petit peu compliqué pour eux de survivre. Alors bon, déjà, il y en a qui voient pas la différence entre de la HD et de la 4K. Déjà, ça, c'est la première chose. À part le prix. Ça, les gens voient bien le prix. Ils voient de la différence, mais en revanche, ils voient pas la différence de qualité. Et il se pourrait donc que des 27 pays de l'Union européenne, la télé 8K disparaisse. Alors que les magasins en sont pleins. Hein. Mais on les voit quand même pas. Ils sont dans les magasins, oui, mais qui les achète? C'est ça le truc. Mais moi, je connais pas de gens qui ont une télé 8K. Déjà de base en fait, donc il y a déjà un problème à ce niveau-là. Alors je connais encore des gens qui ont des télé cathodiques, mais je connais pas les gens qui ont une télé 8K. 4K c'est déjà rare aussi au final. T'as une télé 4K toi Antoine? Oui, une télé 4K, mais excusez-nous. Il y a surtout il y a plusieurs problèmes. Bon déjà il faut effectivement qu'il y ait des sources 8K, alors qu'actuellement on peine déjà à passer en 4K. Il y a aucune chaîne en Belgique qui diffuse en 4K nativement, donc on est encore à la full HD. Allez, tu peux pas lancer. Est-ce qu'il y a encore des chaînes qui ne sont même pas en HD en Belgique? Est-ce qu'il y a encore des chaînes qui sont même pas encore en HD en Belgique? Oui, il y a encore des chaînes qui n'émettent pas encore, enfin qui ne sont pas distribuées en HD chez les opérateurs. Je ne citerai pas de nom puisque bon. Ah non, on ne citera pas TV Lux en si Télé Centre. Oh, non, elles sont toutes en HD. C'est vrai. Les télévisions locales, elles sont passées en HD, oui, depuis un bon moment. Elles sont distribuées en HD. Oui. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre un petit peu pour vous dans la voiture ce soir qui vous dites mais il parle chinois. Il y a deux choses. Est-ce que déjà la télévision produit le contenu dans une bonne qualité et est-ce qu'au bout du tuyau vous la recevez en bonne qualité? Parce que par exemple la RTBF, la trois quarts du temps, ils font le contenu en full HD et vous le recevez en qualité pourri SD avec une qualité ignoble. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir, est-ce que de bout en bout le signal passe correctement. Maintenant il y a aussi un truc, bon il y a évidemment le prix de ces téléviseurs qui coûtent encore un bras bien sûr, mais il y a aussi le fait que pour pouvoir bénéficier de la 4K ou de la 8K vraiment bien comme il faut quand même acheter des écrans qui ont une sacrée diagonale et tout le monde n'a pas la place dans son petit chez soi, dans son 80 mètres carrés pour placer un écran de 2 mètres et demi, 3 mètres pour pouvoir avoir le recul. Et surtout avoir le recul, donc c'est bien d'avoir la 8K, mais si tu as ton téléviseur sur ton nez, ça va pas être une super expérience. Parce que deux choses à retenir. La première, c'est que déjà, ça sert à rien d'acheter un téléviseur comme ça si vous avez pas la place et pas le recul. Parce que si vous l'achetez en petit, vous allez rien profiter, évidemment. C'est comme à l'époque où on pensait que les Nokia faisaient des superbes photos, mais c'est parce que l'écran, il faisait 2 cm. Voilà, déjà. Et il faut aussi savoir que moi, j'ai fait des études d'imprimeur. Et je vais ressortir une bête chose de ce cours-là, c'est que pourquoi est-ce que les affiches le long des autoroutes, quand on s'en approche, les taches d'encre pour former l'image sont énormes et c'est dégueulasse de près? Parce que c'est fait pour être regardé de loin. De loin. Et donc, quelque part, une télévision HD classique, de loin, elle fait tout à fait le taf. Ouais. Et je pense pas qu'avoir beaucoup plus de pixels sur un écran, c'est beau de près. Mais de loin, une fois que vous avez du recul dans un salon normal, ça pourrait être une télé HD, vous verrez pas forcément la différence. Ouais. Puis, maintenant, ce que je fais, moi, je regarde la télévision chez les voisins. Oui, c'est ça, avec tes jumelles. Voilà, exactement. Okay. Là, t'as un recul de malade. Là, je suis bien, hein, vraiment. Bon, c'est bien maintenant qu'on a pourri les télé 8K. Hop, là, les vendeurs, ils en ont plus rien à foutre de leur télé 8K. Comment est-ce qu'ils vont faire? Comment est-ce qu'ils vont écouler leur stock? Ça, c'est une vraie question. Bon, déjà, moi, je vous conseille largement d'acheter une télé 8K. Hein, parce que de l'un, ça fait 4K en plus, donc ça fait une télé 4K. Et puis, la qualité est vachement meilleure. Regardez par exemple ici, je vous mets une photo de Franck Ribéry. Vous pouvez constater qu'on a l'impression d'être dans sa cicatrice. Hein. Ah, c'est pas beau à voir, hein, mais bon. On vous a également installé 11 ports HDMI sur votre télé. Comme ça, on en avait trop en réserve, on savait plus quoi en faire. Bon, voilà. Et avec ça, on vous offre aussi un magnifique ampli, un Pioneer et une vingtaine d'allonges. Comme ça, vous pourrez vous balader partout dans la maison. Dans la cuisine, enfin, vous faites ce que vous voulez, quoi. Hein. Puis si vous aimez manger une purée compote de saucisse, en même temps vous installez des tacs électriques à l'arrière. Ouais, ça peut toujours servir. Et aussi 4 pieds si vous n'avez pas de table de salon. Oui. Et si vraiment ça vous intéresse pas, je peux aussi vous offrir ma femme. Hein. Après tout. Mais non, revenez. Ah, si vous voulez, bon. On vous paye la moitié. Non. Merci, c'est gentil. On n'en fera rien de ta télé. 20h, 22h, c'est la trappe sur KIF. Pam, pam, pam. Section d'assaut maintenant. Juste après, on va faire un tour chez Jean-Marie Le Pen. Oui, il vit toujours. Et l'interview combinée juste après. Merci toute la bande. Des bisous, à très bientôt. Toi qui es orthophoniste, tu ne les as jamais vus dans ton cabinet. Et c'est normal. Dans la trappe, c'est le moment de les découvrir. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Antoine, peux-tu nous resituer qui est monsieur Jean-Marie Le Pen? Alors, Jean-Marie Le Pen... figure du Front National, parti d'extrême droite en France, qui maintenant s'appelle le Rassemblement National, et dont on connaît notamment la personnalité. Des prises de position très contrasté. Voilà, très appuyé. Non, le contraste c'est noir et blanc, on peut pas en parler de ça. Ouais. Non mais et sa fille Marine Le Pen, donc qui avait tenté aussi la présidentielle. Bon bref, tout à fait. C'est ce monsieur-là. Alors on n'est pas du tout là pour faire de la politique, hein. Ça a vraiment rien à voir ce qu'on vous amène là. C'est juste pour vous présenter son petit rituel. Vous connaissez son rituel? Oui, c'est recyclé sur YouTube. C'est ça. Il est devenu youtubeur, Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire que toutes les semaines, il nous fait un petit journal de bord. 682e journal de bord. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. il est toujours en vie. Alors, bon, il faut savoir que ce monsieur, d'ailleurs, quel âge il a? Est-ce que quelqu'un peut me trouver l'âge de Jean-Marie Le Pen? C'est une séquence encore très bien préparée. Non, mais ce monsieur, voilà, il a fait des gros discours, il était quand même sénateur, il a fait des énormes choses dans sa carrière qui lui ont demandé de faire des prises de position publiques. 94 ans. 94 ans. 94 ans, il est youtubeur! Bon, alors ça donne ça. Je crois que tout le monde est angoissé par l'hypothèse d'un apocalypse. Et la situation est suffisamment dramatique pour que l'on se soit sincèrement, je pense, et que le seul Gbelil, c'était M. Zelensky. Je comprends pas. Il parle comme moi. En effet, une erreur de tir, je ne sais pas, enfin bref, un incident banal, mais. Non. Ouais, j'ai pas tout compris, monsieur Jean-Marie Le Pen. Moi, tout ce que j'ai retenu, c'est ça. Et. Ça vient de loin. Ah, il est délicieux. Alors, on sait gérer ça, nous. Hein. Tout grasse, tout sèche. Choisissez la phytosophie de Phytoxyl. Ah, il y a toujours des solutions. Hein. On continue le journal de bord. Donc, c'est extrêmement. Je dois dire que j'ai été très violemment choqué. Et par l'opération qui a consisté à, et ceci est une preuve qui conduit à s'inquiéter. Je vous avoue que j'ai un peu décroché, je comprends pas. Là, je suis un peu. Qui fait un résumé? Quelqu'un capable de faire une synthèse à la fin? Parce que là, ça devient long. Hein. Et dites-vous qu'on a résumé les 20 minutes de journal de bord, là. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'ai l'impression qu'il avait quand même un petit peu plus de voix avant. John! Au secours! Ah, c'est vrai que ça, ça réveille. Ça, c'est une autre ambiance. Bon, allez, on continue le journal de bord maintenant qu'on est un petit peu revigoré. Mais ceci est extrêmement inquiétant. Je dois dire que. Et heureusement que les gens ne suivent pas de près. Donc, il a été très visible. Et doit l'être en autre aussi. De telle sorte que les déséquilibres qui existent. C'est long. Et le problème démographique n'est pas au premier plan. Il devrait écrire. S'il y a un jour. Ah, c'est long, ils auraient pu accélérer. Mondiale, il s'agit d'un cas extraordinaire. Mais comment on pitch? C'est une véritable trahison. Parce que, enfin, voilà, la législation internationale. Mais le journaliste, comment il fait pour répondre à ça? Mais je ne sais pas. Mais comment tu veux suivre? C'était x05, non? Non, ça c'est le temps, ça c'est en vitesse normale, ça c'est. Oui, oui, oui. C'est pas possible, c'est dingue. Mais je pense que là il a fini. Hein. C'est vrai. Alors le spectacle, à mon avis, car c'est vrai que c'est un spectacle assez cruel, et, mais qui était. Car il représente une. De la vie des hommes et. Sont dans des abattoirs. C'est vous! Non, mais là, il est au bout du rouleau. C'est l'heure de sa sieste. Il faut dormir, monsieur Le Pen, enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça? Home, il y a soirée pétanque, là, cette heure-ci. Il faut le rebrancher. Dites-vous que c'est le 682e journal de bord. Non, mais voilà. Au moins, il a une chaîne YouTube très fournie. Il a commencé super actif, maintenant, il commence un peu à faiblir. Vous voyez, est-ce que c'est un hyperactif? Bon, là, vous avez le négatif. 20h-22h, c'est la trappe sur KIF. Attention, arrêtez tout. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Sauf la voiture, évidemment, si vous êtes en train de rouler, c'est peut-être un truc à éviter. C'est l'heure de l'interview combinée. Alors en gros, je vous explique, on prend une interview du média Combini et on en fait une interview combinée. Ça veut dire qu'on garde les réponses des gens qui sont interviewés, mais nous, on essaye d'être plus drôle que les journalistes de Combini. Et ça, parfois, c'est pas toujours une réussite. Donc c'est pour ça que le moins drôle d'entre nous se prendra un bon vieux coup de... Combiné. Bonne réponse. Allez hop là. Attends, c'est la première bonne réponse que j'aurai de l'émission. Et la seule, d'ailleurs. C'est vrai qu'avec le Blindclet qui arrivera sur les coups de 22h, on verra si ta culture musicale est à l'appel pas te prendre un coup de... Belle. Allez, voilà. On aime bien donner des couilles dans cette émission. Les petits jeux de mots et tout, c'est... Oh, bah, vous savez, la gaudriole ici, on s'amuse beaucoup. On va faire la rencontre d'un ex-toxicomane. C'est pas rigolo, hein. Il nous parlait de son combat et de ça. Il est abstinent depuis 27 ans, ça y est. Oh bien. et il s'appelle Julien Gagne. Il s'appelle comment ? À 14 ans, j'ai commencé à fumer du shit. À 17 ans, je suis tombé dans l'héroïne. Non, mais dis surtout pas ton prénom. Fais le projet. Allez, c'est pas grave. Voici la première question. Vas-y. Ah, ok. Je te pointe. Inviter Francis Lalanne, c'est bien ? Très, très rapidement, ça devient un enfer. Pas mal. Antoine ? Quel effet ça fait de conduire dans Bruxelles ? Très très rapidement, ça devient un enfer. Ah, c'est pas faux ça. Heureusement que je ne connais pas ce désastre-là. Ça doit être une galère, quoique le transport en commun aussi. Voilà, je pourrais le dire, prends les transports en commun dans Bruxelles. Très très rapidement, ça devient un enfer. Moi j'allais plutôt vivre avec sa femme. Très très rapidement, ça devient un enfer. Pas très sympa, j'espère qu'elle écoute pas. En deux. Alors, on a enfin vu Yannick Noah avec des chaussures. Et c'était dingue de le voir comme ça. C'est vrai que j'ai jamais vu avec des chaussures Yannick Noah. Il a encore fait il était chez RTL, je crois. Il avait fait un live. Bah, voilà. Pas de chaussures, de nouveau. Dans la rue, il doit se balader comment, quand même ? Je sais pas, mais les odeurs. Rien que ça, déjà. Est-ce qu'il sent des pieds ? Tiens, c'est la question du jour. Bah, c'est que... Non, mais lui, je pense que c'est de la corne. Hein. Il y a plus Arrête. Bah c'est, quoi ? C'est sale. Oh, c'est mais ça va. Oh, vous êtes dégoûté. Ça va, c'est bon. On est dans la trappe. On hein, a tous même. De la corne. Merde. J'ai jamais eu ça. Non, bah non. Enfin, j'espère que... Et bon appétit, hein, bien sûr. Bien sûr, en numéro de ta quoi, toi. Quel effet ça fait de voir un téléphone Android qui se met à jour ? Et c'était dingue de le voir comme ça. C'est pas mal. Moi, j'avais kick, c'était à l'heure ce matin pour la réunion. Et c'était dingue de le voir comme ça. Ah, je suis toujours à l'heure. Parfois, je suis même en avance. C'est bien le problème. Être à l'heure, ça veut aussi dire ne pas être à l'avance. Hein. C'est vrai. Et être en avance, c'est pas toujours bien vu non plus d'ailleurs. Ah, c'est bien, t'as retenu. En trois. Alors, quelle a été la réaction du patron de TF1 quand il a vu Renault arriver sur la scène des NMA ? Lui, il était clean. C'est pas gentil pour Renault. Que t'es-tu dit quand Jadoul t'a demandé de participer à l'interview combinée ? Lui, il était clean. Dans la trappe, il y avait plein de choses aujourd'hui, mais on peut parler d'Antoine. Lui, il était clean. On a la quatrième et dernière question. Sais-tu quels seront mes derniers mots avant de mourir ? J'avais jamais travaillé de ma vie en arrivant et je passais pas du tout à l'action et j'en voulais aux gens qui faisaient des trucs. Ça, c'est un bel aveu. On a quoi, toi ? Qu'est-ce que tu te dis quand tu quittes l'UNIF après 160 000 ans ? J'avais jamais travaillé de ma vie en arrivant et je passais pas du tout à l'action et j'en voulais aux gens qui faisaient des trucs. Des nouvelles de l'héritier de Karl Lagerfeld, Jabby Coney, là, comment il s'appelait Jabby Coney ? Non. Oh merde ! Moi, je me souviens plus de son nom. Baptiste Jabby Coney. Hein ? Ah là, lui, bah, c'est l'héritier de Karl Lagerfeld. Bah, oui. Voilà, tiens. J'avais jamais travaillé de ma vie en arrivant. Oui, c'est bon, j'ai compris, je me prends le coup de combien. Voilà, c'est bon, c'est gentil. Attends, c'était pas difficile de donner un coup de téléphone, hein ? Oui, bah, j'ai bien l'impression. Ouais. Le 20h-22h, c'est avec Jadoul. Dans la trappe sur KIF. Ton invité dans quelques instants, Franglish. Waouh. Ah, Johnny Franglish. Johnny Franglish. Référence à Mr. Johnny Bean dans James Bond, là, bref. Mais non, pas James Bond. Dans sa parodie de James Bond, bref, on a compris. Voici Gims et Soul King, c'est tout nouveau et c'est déjà sur KIF. Bienvenue. J'avoue que j'étais pas prêt pour cette reprise, mais il fallait la tenter, bravo. Une émission brassée avec notre savoir-faire, se déguste avec sagesse, à consommer sans modération. Waouh ! Dès 20h, c'est Jadoul et toute son équipe sur KIF. Énorme ! Et je vous le fais pas dire, on a plein de messages vocaux qui sont arrivés hein, sur le WhatsApp de l'émission 02 315 10 15. On parle du langage non sexiste. En gros, on ne dit plus... des choses où on... Vous savez, c'est chiant d'ailleurs. Tous les gens qui bossent et qui font des petites affichettes le savent. Par exemple, vous êtes prié et point machin et tout. Point yel, hashtag. Ouais, allez, à un moment, il faudra mettre une norme là-dessus. Enfin bref, qu'importe. C'est pour ça que les constructeurs de téléphones et d'ordinateurs se sont dit, bah tiens, on va juste ne plus genrer les choses, ne plus nommer les utilisateurs et simplement dire il y a eu ça, on fait ça, il y a ça. C'est juste faire du factuel, comme ça on ne parle plus à une personne de peur de la vexer. Ça fait beaucoup réagir, on reçoit des messages vocaux. Est-ce que tu... Oui, c'est toi qui j'ai, j'ai Théo ici qui nous a envoyé un message vocal. Fais écouter. Alors voilà, moi, en rapport avec le thème qui est lancé en rapport avec le langage non sexiste dans les différentes utilisations telles que iOS, Android, etc. Oui. Ce que j'en pense, c'est que pour le langage non sexiste, moi je dirais que ce serait un langage qui devrait être adaptable pour tout le monde, c'est-à-dire pour il, pour elle, pour yel, all, ul. Ce soit aussi pour les transsexuels, etc. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait une phrase qui... J'ai pas qui, la durée, mais on arrive à la moitié. Qui fait un ensemble de toutes les personnes existantes sur Terre. Donc, du coup, c'est très important d'avoir une phrase qui englobe toutes ces personnes-là et non pas mettre les personnes de côté. Je trouve ça important de mettre tout le monde ensemble. Oui. Dans le même groupe et non mettre des gens à l'écart. Donc une phrase du langage non sexiste pourrait être intéressante pour les réseaux sociaux tels que iOS et Android. Alors iOS et Android, c'est assez fini. Alors oui, iOS et Android, c'est pas des réseaux sociaux. C'était un peu loin. Alors juste un petit conseil, quand vous faites des messages vocaux, parlez pas trop près, parce que ça devient assez inaudible. Mais un petit micro pour Noël. Des micros, et ça c'est sous le sapin. Voilà. Ça, on va lui livrer. Merci Théo pour ton message vocal. Alors je suis d'accord avec lui. C'est vrai que un petit pronom qui englobe tout le monde et dans lequel chacun pourrait se retrouver, ça pourrait être sympa. Mais après, ça va encore créer des minorités et les gens vont se dire ah ouais, moi je fais partie des gens qui veulent encore qu'on les appelle ils. C'est comme la disparition de Mademoiselle. Pourquoi on reste pas comme ça? Mais parce que voilà. C'est dingue. Je vais te raconter une vraie anecdote. Je me suis pris la tête. C'est bon. Ok, ouais, mais non, mais t'as raison, puisqu'on a la bourre. Bref, on en est. Non, je vais quand même la raconter. Oui, c'était avec Adélaïde Charlier. C'est. On peut résumer comment Adélaïde Charlier, Antoine? Activiste pour le climat. Oui. Et féministe. Et tout ce qu'on veut. Et donc, un jour, voilà, on était dans un média ensemble et je lui dis. Écoute, moi, à un moment, je parle en tant que graphiste, qu'est-ce que ça va me gonfler sur des affiches de mettre .e, .il, .ça pour essayer d'inclure tout le monde. Et elle m'a dit, mais oui, mais c'est la preuve que là, le mal-être est encore plus profond que ça, ça veut dire qu'il faudrait réécrire toute la langue française et abolir tout ça. Et par exemple, attends, enfin, ça c'est ton avis, mais elle explique que si on a dit par exemple que le masculin l'emportait sur le féminin, c'est une grosse erreur et il faut arrêter ça. Et ça tiendrait qu'à elle, il réécrirait tout. Hein. Là, il n'y aurait plus du tout la langue française telle qu'on l'a là. Alors, je suis un peu d'accord avec elle parce que c'est vrai que, bah voilà, on est parfois concerné avec dans notre entourage des gens qui ont du mal à se retrouver dans il ou elle et voilà, il faut s'adapter. La technologie doit s'adapter à ça, effectivement. Mais faut-il effacer les règles de conjugaison et de français qu'il y a depuis des années? Je ne sais pas. Et je sais vraiment pas. Ouais, voilà, franchement, enfin, c'est un débat. Dis ton avis, c'est un débat qui va. Bah, non, mais je trouve ça un peu bête. Pas que les gens ne se retrouvent pas en eux-mêmes, qu'ils ne savent pas vraiment qui ils sont. Ça, c'est pas ça le problème. Ouais. C'est pourquoi, du jour au lendemain, tout changer en fait. Pourquoi? Qui s'est réveillé en se disant, bah non, en fait, ça va plus. Allez hop, on change tout. Ah, c'est ce côté, on jette tout et on recommence. Voilà, ça me dérange pas qu'il y ait des égalités, etc. Ça, c'est normal. Mais dans le reste, la langue française reste la langue française et. S'il y a certains trucs à changer, ok, je dis pas le contraire, mais le tout en général, c'est un peu abusé, quoi. C'est noté. Ben écoutez, voilà, on continuera le débat d'ici 30 minutes. Le temps pour vous de nous envoyer encore quelques messages vocaux. Ça se passe au 02 315 10 15. Éloignez-vous un peu plus de votre micro et on écoutera vos messages vocaux. Il y a aucun problème. Un petit tour dans l'EHPAD, ça je l'ai dit. Et puis on va aussi jouer avec les Miss France. Ça se passe dans quelques instants et on retrouvera Jean-Michel. Sale, je ne sais pas s'il est revenu en Belgique ou s'il est toujours en direct du Qatar. Quoi qu'il arrive, on se connectera à lui. On revient juste après cette petite page de pub. La page réclame qui va suivre vous est offerte par Radio Falminioul. Connaissez-vous l'Institut Passion L à Pérouet? Esthéticienne et pédicure médicale diplômée, elle vous propose divers soins. Passage au contrôle technique, entretien et réparation mécanique toute marque, distribution, embrayage, filtre à particules. Sa devise, la beauté est en chacune d'entre nous. Je la révèle, zéro stress, zéro complexe, 100% bien-être. Dévoilage de jantes, réparation de fissures, soudures, déformations et jantes pliées. L'Institut Passion L vous accueille lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 18h, samedi de 9h à 17h sur rendez-vous au 0491 59 57 66 88 49 69 60 95. Joignable aussi par courriel sv.michelin-pirelli. uniroyal.bridgestone-hancock@gmail.com. Visitez le site la-la-la.be. La publicité que vous venez d'entendre aidera Radio Falminioul à payer le courant. Merci. Radio Falminoul qui revient dans un instant. 20h, 22h, c'est la trappe sur KIF. On est généreux, hein. Il y a des petites radios qui ont besoin d'aide et on est là pour les soutenir. Hein. C'est formidable. Mais on retrouvera des animateurs de cette station d'ici quelques instants. René et Guy. Oh là là, il s'est passé des choses chez eux cette semaine. C'est incroyable, ça se passe après Drake. Mercredi soir, 21h03, oulala, on a plein de choses à faire. Qu'est-ce qu'on fait? On balance le générique de la deuxième partie? Non, pas encore. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on... Je deviens fou, hein, je parle tout seul. Oui, j'ai... Viens nous, on part, Antoine. On le laisse parler tout seul. Allez, bonne soirée. Moi, j'ai une équipe de 20 personnes dans ma tête. Hein, on peut bien s'amuser, ça peut être très long. Ah oui, j'ai oublié, ça c'est l'heure du FaceTime, c'est-à-dire que là maintenant, on prend un son, on retire la musique, on garde que les paroles du chanteur, bref, c'est notre FaceTime. Et qui est notre invité cette semaine? Mais oui, c'est le temps de la fesse, la time fesse. Non, je voulais juste faire une blague, ça n'a pas fonctionné. Enfin, ouais, j'ai rendez-vous avec Franglish, tu connais toi Jadoul? Ah bah oui, Franglish, il chante Ex, ensemble, comme ça. Voilà, exactement. Bah écoute, il m'a contacté, il m'a dit qu'il devait me parler de quelque chose. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'il veut. Ah bah justement, il est arrivé. Ouh, Franglish, viens, je suis là. Ouh, t'es là, Franglish. Ouh. Derrière toi, regarde, je suis là. Enfin bref, c'est pas grave. Bah t'as travaillé tes cordes vocales toi, ça s'entend. On fait un peu un ou. Oh oh oh. Ah c'est dingue, je suis fan. Attends, je vais essayer aussi pour voir si j'arrive. Ouais non, tu le fais mieux que moi, c'est pas terrible. Enfin bref, tu voulais me parler de quelque chose, Franglish? Quand t'es pas là, je crois que tout m'ennuie. Ah c'est vrai qu'on s'amusait bien quand même en soirée, hein. Tu te rappelles la fois où t'avais pissé dans une trompette à la fanfare de Lorette? Ah c'était tellement drôle, et je vois que ça vous fait rire aussi en plus. Ou la fois où t'avais embrassé Justine, Mélanie, Vanessa et Paola à la soirée Frestagana de l'école Saint-Josy. On embrasse. Ah là que c'était drôle. Enfin bref, on t'appelait même le tonton dragueur. Et sinon quoi de neuf? À cause de toi je ne vois plus aucune autre fille. Ouais tu m'étonnes. Comment ça tu vois plus aucune autre fille Non, ça va aucun lien avec ça. Tu n'arrives plus à gérer les bails ou quoi? Tu sais les filles c'est pas ce qui manque, si je peux en avoir. Mais là ce que je ressens pour toi je t'avoue c'est la première fois. Attends, j'essaie de comprendre mais vraiment là je suis un peu dans le flou. Tu veux dire quoi par là? Je pense tellement à toi que j'endors plus la nuit. Ah, écoute Franglish, comment dire Dis-moi. Bah, c'est-à-dire que je suis en couple avec quelqu'un, comme tu sais, et je suis très bien avec cette personne. Puis bon, bah, je ne suis pas intéressé par les personnes du même sexe. Je m'en fous. Ah, pardon, c'était pas le bon. Dis-moi. Non, moi j'étais bon, hein. Dans le texte j'étais bon. Alors il me manque une feuille, c'est génial. T'es où? Bah attends. Non, dis-moi, il venait juste avant. Ah, d'accord. Ah non, il dit je m'en fous là. Je m'en fous. Voilà, peut-être, 8. Mais pas moi. Enfin, je n'ai absolument rien contre toi, mais ça n'ira vraiment pas plus loin. Enfin, en tout cas, pas de mon côté. Toi à mes côtés, dans mon avenir, je te jure, je nous vois, ne nie pas. Bah, je nie pas du tout, j'entends bien, mais faut vraiment trouver quelqu'un d'autre sans être méchant. Enfin, si tu veux, je peux toujours t'aider à trouver quelqu'un, mais entre nous, ça restera juste entre potes, quoi. Bébé na bébé, bébé na bébé. Calme-toi quand même. Ça te dit, on retourne faire la fête comme à la bonne vieille époque? Réponds-moi avec un magnifique ouh. Ouh, ouh, ouh, ouh. Ah, énorme. Bon, bah, Lego, c'est parti alors. Ah, dis-moi, comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Dis-moi. Merci pour ce FaceTime, Kix. Avec plaisir. Voilà. Franglish, Jadoul. C'est bon, c'est plus qui c'est. Mais qui êtes-vous? C'est fou, ouais. Mais ceci dit, franchement, on se fout de ta gueule chaque semaine parce que c'est vrai que l'addiction n'est pas le point fort, mais en revanche, c'est une séquence très compliquée puisqu'il y a quand même une douzaine de sons à balancer et pas mal. Et oui, franchement, faut savoir qu'il faut écouter le titre, décortiquer et essayer de créer un univers autour de ça. Donc non, mais on sait qu'il y a du travail et que tu mérites ton salaire. Mais c'est ça le problème, je mérite un salaire tout court. C'est pas mal. Il devrait être. Oui, tu. Dédicace au patron. Cette séquence n'a pas été approuvée par la direction de KIF. Je confirme. D'ici quelques instants, on va parler crypto-monnaie, on va avoir le quiz Miss France, on va essayer d'avoir Jean-Michel en ligne. J'adore. T'as des nouvelles de lui, je sais pas. Pas du tout, pas encore. On verra. Et le Blindclet arrivera évidemment pour essayer de voir si vous avez de la culture générale musicale en version TikTok. Ça va être très très sympa. Et franchement, belle ouverture d'esprit quand même avec Franglish qui t'a dragué tout à Merci. L'heure. Merci. C'est sympa. Toi qui es orthophoniste, tu ne les as jamais vus dans ton cabinet. À part Kix. Et c'est normal. Dans la trappe, c'est le moment de les découvrir. Comment? Il est 20h, c'est Jadoul sur KIF. On écoute quoi? Orelsan. Ah, avec évidemment, c'est Angèle. Touring avec Angèle. Waouh. Pour vous changer les idées, comme tous les mercredis soirs, 20h-22h, l'émission s'appelle La Trappe. Je m'appelle Jadoul, je suis avec Kix, je suis avec Antoine. Évidemment. Et évidemment, on va passer une bonne soirée, on a encore plein de surprises pour vous. On va bien se marrer. Le Blanklet arrive, Jean-Michel sera là dans son crypto troquet et on va parcourir TikTok dans plein de conditions, ça va être incroyable. Deuxième heure. 20h-22h, c'est La Trappe. C'est Jadoul sur KFM. Deuxième heure d'émission qu'on entame à 21h11, ce qui s'annonce une émission qui va encore terminer à l'heure avec toutes nos conneries. Magnifique, magnifique. Non, mais l'air de rien, on est une émission connectée, on fait pas que des conneries ici. La semaine passée, 22h12, cette semaine, on va faire combien? Dis pas ça, elle est pas trop écoute aujourd'hui. Ah mince, c'est vrai. Non, 22h, c'est ça que j'ai dit. Oui, pile, pile, 0-0. Voilà. Voilà, c'est ça, on a rendu l'antenne à l'heure. Allez. Et oui, comment vous expliquez que les podcasts font 2h12? Alors, on rajoute des petites séquences entre temps. C'est ça, il y a des bonus. Voilà. Bon, on travaille émission, en plus. Émission connectée, comme je le disais, on est évidemment à la pointe de l'information tech. C'est très geek ici, on ne parle que de ça d'ailleurs. Hein. Bien sûr, c'est ce qu'on a vendu à cette radio, donc évidemment qu'on s'y tient. Et d'ailleurs, on va parler de ce sujet qui a attiré l'attention de tous les geeks cette semaine. L'effondrement de l'empire de la crypto-monnaie, 240 milliards de capitalisation, qui s'évapore en un jour et plus de 80 000 victimes estimées en France. Donc c'est très très chaud. Hein. Là, c'est vraiment un marché qui banqueroute. Voilà, ton portefeuille s'en souvient, oui. Oui. Ça, c'est pas obligé de le dire. C'est vrai que j'ai mis du bitcoin au bon moment, hein. J'ai vraiment le flair, hein. Ça, ouais, ça se casse la gueule, allez, hop, je mise. Et je me renvoie il y a 3 semaines en train de dire à Kix, ouais, alors là, là franchement, c'est la courbe qui descend, mais ça va remonter en pic. Ça fait effet yo-yo et tu verras que je le sens bien. Le trader là, en carton ici, tu sais que j'ai même pas osé ouvrir la. Il a même déjà commandé une Lambo, hein, oh, pour là. Et 3 Tesla. Bon, attends, je sais même plus comment s'appelle l'application où j'ai les cryptos là. Je ne voudrais même pas regarder parce que franchement, je pense que je pleurerais. Tiens, allez, pour le fun, j'ai regardé beaucoup dessus, sans dire comme ça. Un SMIC. Non, on ne met que ce qu'on est prêt à perdre. Oh putain, j'ai pris 5%. Oh bien. Bah, c'est pas mal. Ah bah, ouais, voilà. Voilà. Mais 5% bon. À partir de quel moment aussi? À partir de ta d'hier. Chute ou de... Non, je sais pas. Mais j'analyserai ça de près. Bon, alors c'est vrai que je suis toujours à un tiers de la somme que j'ai misée. Voilà. Ouais, je suis un bon trader. Moi, je franchement. Tu vas bientôt pouvoir te payer à manger, c'est bien. Bah, c'est pas mal. Allez, les gars, on mise tous ensemble sur le crypto-monnaie. 1, 2. Non, mais sérieusement, tu vas réveiller Jean-Michel. Ouais, c'est vrai que la fanfare, faut peut-être pas tenter ça. Bref, crypto-monnaie, parce qu'on a une émission connectée. On va parler de deux femmes de 72 ans dans un EHPAD. Ah oui, aucun rapport avec la crypto. Hein. En fait, oubliez ça pour ce soir, on va pas en parler. Bon, on va parler de ces deux femmes qui donc ont été placées dans un foyer au début de leur vie, de leur enfance, à Notre-Dame d'Aubry en Hainaut, c'est en France. Elles avaient 11 ans quand elles se sont rencontrées et les deux femmes ne se sont jamais quittées. Je vous raconte cette histoire parce qu'elles ont traversé toutes les épreuves de la vie ensemble jusqu'à finir en maison de retraite ensemble. La directrice de l'EHPAD explique que lorsqu'elles sont arrivées chez nous en 2017, elles ont demandé à être dans la même chambre. Alors là, c'est les propres. Le doute s'installe. Ouais. Tiens, est-ce que c'est des bonnes copines ou alors amour secret? Ouais, je sais c'est pas. Bien au moins. Ah, ça se tente. C'est quoi ton pronostic, Antoine? Amour secret, oui. Amour secret. Ces deux femmes de 72 ans se sont mariées le mardi 15 novembre dernier à Valenciennes. Alors, elle n'avait plus de famille, hein, donc forcément, ils ont juste pris les soignants qui étaient autour d'eux. Parce qu'ils ont vécu leur amour secret depuis 50 ans. Les amoureuses, bon bah voilà, elles n'ont jamais parlé de ça à personne. Et c'est la maison de repos qui a découvert ça lors d'un voyage à la plage. Qu'elles avaient une petite proximité et ils se sont dit, bah tiens, qu'est-ce que vous allez faire, vous officialisez ou pas? Et elles se sont mariées. C'est fabuleux. Bah oui, c'est. Alors, si ça les rend heureuses. C'est une belle histoire. À 72 ans, tu te maries? Bah oui. C'est génial. Il n'y a pas d'âge. Donne de l'espoir pour ma mère. Non, je suis en... Qu'on embrasse, bien sûr. Qu'on embrasse. Déjà mise dans un EHPAD. Bon, je me compte pas m'en occuper, moi. Le mec. Non, mais c'est vrai. Franchement, non, le mariage est très heureuse, mais je veux dire, n'attendez pas un demi-siècle quand même avant de vous marier, parce que c'est con, vous passez peut-être à côté de certaines choses. Une histoire comme ça, franchement, ça vous ferait quoi? Si ta grand-mère, je sais pas si elle était toujours de ce monde ou pas, mais qu'importe. Oui, bah voilà, je lui souhaite pas l'œil, évidemment. Mais si là, elle te disait, demain, un petit repas, au fait, moi et Sabrina, on va se marier. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. C'est vrai? Bien sûr, bien sûr. Moi, je tomberais de ma chaise. Moi, je serais là en mode, quoi, mamie? Quoi, toi? Franchement, moi, je serais mais fou. Comment? Mais comment? Où? À quelle heure? Quand? Je viens. Non, mais on fait une annonce. On le sort direct à la radio. Ça va être... Annonce nationale, hop, fanfare. Ah, non, ça va être incroyable. Allez, fanfare. Ouais. Mamie, s'il te plaît, c'est pour toi. 1, 2, 3. La musique est parfaite pour vous annoncer dans quelques instants l'arrivée de Jean-Michel. Je ne sais pas où il est. Il est peut-être encore à la Coupe du Monde au Qatar, ou il est peut-être déjà revenu chez lui avec Monique à la maison. On n'en sait rien. Quoi qu'il arrive, on le retrouvera dans quelques instants et on aura aussi un petit quiz Miss France. Ça arrive d'ici quelques minutes. Pour ça, une seule règle, il ne faut pas débrancher la radio puisqu'on écoute encore plein de bonne musique aussi. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Merci de nous avoir choisi mercredi soir. On est en direct absolu avec vous à 21h20. Rappelle-nous le thème du jour, s'il te plaît, Kix. Alors, l'arrivée du langage non sexiste dans les interfaces utilisateurs. Ok, donc en gros, ça parle des dépersonnifications des gens pour ne pas les nommer, pour ne pas les blesser en cas de d'autres pronoms que il, elle. Voilà, ça c'est le délire. Encore un sujet très chouette. Hein. Vraiment, on a sorti la fanfare aujourd'hui, ça valait bien le coup. Vos messages vocaux arrivent sur le WhatsApp. Au 02 315 10 15. Et on va faire une petite enquête ici dans cette équipe. La Trappe, l'émission connectée qui te fera complètement oublier que c'en est une. Oh non. D'ailleurs, l'équipe aussi a complètement oublié qu'ils doivent parler tech. Ah. Jadoul, dès 20h sur KIF. Vous avez découvert la semaine dernière Radio Falminioul. Alors Falminioul est un village qui existe vraiment en Wallonie. Ah, y a-t-il, Antoine, dis-nous, y a-t-il internet là-bas? Oui, depuis peu, il y a Internet. Depuis peu. Non, mais attends, ça veut dire quoi? On est en 2022. Non, c'est une information. Alors, c'est une information qui est toute fraîche d'aujourd'hui, qui est relayée notamment par la RTBF et par Ma Télé, la télé locale. Donc, information fraîche. Dans le sud namurois. En fait, c'est le village de Miavoie, qui est dans la commune de Honwe. C'est près de Dinan, pas très loin donc de Falminioul. Perdu. Et en fait, là, il y a eu un glow-up de la connexion Internet parce qu'ils avaient de la DSL à 3 mégas secondes, c'est-à-dire 30 fois moins ce qu'on peut avoir au maximum du de la connexion DSL classique. C'est de la 3G. C'est ouais, on s'approche quand même assez près du débit 3G et il passe à la fibre optique en fait. Donc là, ils sont passés de 3 mégas à 1 gigaseconde. Oui, donc en gros, c'est comme si ils avaient l'eau avec un petit robinet tout pourri comme chez le dentiste et qui passe à un tuyau industriel. C'est ça, voilà. Ok, d'accord. Ah, ben, c'est très sympa. Ben, il se passe plein de choses dans cette radio Falminioul, puisque vous le savez, l'électricité coûte cher, ils peuvent plus se payer un émetteur. Donc dans la trappe, on leur prête un petit peu d'antenne à Radio Falminioul. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine chez ces deux joyeux lurons? On le découvre tout de suite. Au cœur d'un paisible petit village de Wallonie, chaque jour, René l'animateur et Guy de la Sono œuvrent à transmettre de la joie sur les ondes locales de Radio Falminioul. Des moments de vie exceptionnels que l'on vous offre. Découvrez le jour où ils ont acheté un talkie-walkie. Bonjour chers auditeurs de la 97.8, bienvenue sur Radio Falminioul, parrain et marraine de cette émission, Edmond Achefal, Roger Malaudan et Annick Tous. Numéro d'appel pour vos dédicaces, le 02 315 1015. À mes côtés, le plus vieux des papyrus, le plus bigleux des taupes, le plus benet des ânes, mon acolyte, Guy. Moi aussi, j'aimerais te présenter. À mes côtés, l'homme le plus déshydraté du monde. Il paraît que c'est lui qui a créé l'expression « On est poussière, on finira poussière ». Une vraie tranche de pain, le gars. Bien. Je vous propose d'écouter tout de suite la musique choisie par Sylvie et Papy Hugues. Une chanson qui s'adresse à leur petit bébé d'amour, Marie-Agnès. Elle fête ses 56 ans aujourd'hui. Daïda qui nous interprète comme disait Miss Tinguette. On n'est plus à l'antenne, là, c'est bon. Non, Guy, pourquoi? Regarde ce que j'ai trouvé au marché aux puces. Des Tokiwoki tout neufs. Oh non de Dieu, oh, c'est sans fil en plus. Oh, passe-moi-en un, on va tester ça. Attends, je vais dans la cuisine. René pour Guy, René pour Guy, tu captes mes ondes? Ici Guy, je te reçois 5 sur 5. Laisse-moi tes sons, apporte-moi les soupons. Oh, fantastique, on est comme deux flics, ça fonctionne même à distance ce machin. Oh, par contre, ça va pas très fort, il est où le variateur de volume? Ici commandant René, inspecteur Poirot, la casserole est-elle enfin remplie de Poirot? Oui, allô, brigadier Jean-Loup, chef de l'opération démantèlement. Oui, le suspect est toujours dans le viseur, Alpha s'en approche à midi. Guy, reviens, j'ai cassé le toki. J'arrive pas à ouvrir la porte. Me tire. Le commandant a donné le feu, abattu le suspect. La cible est à terre, over. Bon, on va ranger les conneries dans leur boîte. René, on doit reprendre l'antenne, c'est à nous. Oui. Merci Sylvie et Papy Hugues pour cette belle chanson. Allez, on enchaîne avec une autre musique. Déjà, mais on vient à peine d'en diffuser une. Je sais, mais il faut que je me remette de mes émotions. Je t'expliquerai. Je joue un peu trop vite. Constatez que la FM a encore du punch. A bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio Falminioul. À retrouver en podcast, évidemment, La Trappe, c'est partout disponible. 20h-22h, c'est La Trappe sur KIF. Ils étaient encore très en forme. Merci Rosalie de confirmer. On écoute oui, tout de suite. Et moi, je fais les deux. Quel est le cadeau cette semaine qu'on offre, Kix? Il y en a pas. Ah, parfait, merci de suivre. Urban music non-stop, c'est bien. Les délires de La Trappe en plus, c'est mieux. Oh oui. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Bon, on a plein de belles surprises pour vous. À savoir que Jean-Michel se rapproche dangereusement de nous. D'ailleurs, c'est la prochaine séquence. C'est ça la surprise d'ailleurs. Ah, c'est notre surprise. Bah ouais. Oh, c'est fou. Ouais, envoyé ouais. Au 60-07. Envoyé JM au 60-07. Ne le faites pas, ne le faites pas, malheureux. On va faire un petit tour du côté des Miss France. Vous savez, c'est 30 candidates. Une élection à la mi-décembre sur TF1. Avec Jean-Pierre Foucault. Alors, l'imitation n'est pas top. Hein. Peut-être qu'Antoine, tu sais mieux faire. Avec ma voix, là, non, ce soir, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Par contre, tu fais bien. Comment est-ce qu'il s'appelle? Orelsan? Colombo. Oh, Colombo. Il ouais, faut que je le demande à ma femme. Bah voilà, t'as vu? Oh, toujours à prends-toi ça. Bon, Jean-Pierre Foucault, justement, qui va présenter les Miss France sur TF1, l'édition 2023. Alors, évidemment, la tradition fait que le 23 novembre, c'était il y a quelques jours, ils se sont fait une journée depuis la Guadeloupe où elles ont préparé l'élection. En gros, Sylvie Tellier, hein, vous savez, celle qui oui. veut quitter le comité Miss France, mais qui, au final, ne l'a jamais quitté. Bref, elle est toujours là. Sauf que cette année, c'est le directeur producteur artistique Frédéric Gilbert qui a été chargé de rédiger le quiz soumis aux participantes. En gros, c'est de l'actualité récente, de la culture, des mathématiques, du sport. Comme chaque année, tous les termes sont abordés et surtout, on va passer le quiz des Miss France dans cette émission. Et on va voir si vous êtes plus culturé qu'une Miss France. Puis-je faire appel à un ami? Non. Non, non, non. Non, c'est pas cool non, ça, non. C'est pas cool. Oh non, et alors on va tous jouer, hein. Ça va être chacun à son tour, là j'ai les questions sous les yeux. Vous ne les avez pas dans les textes, hein, c'est pas la peine de chercher, on les a pas mis à la disposition de tout le monde, hein, sinon c'est et trop facile. Je te connais, t'es forme toi. Attention, jouons tout de suite à qui sera plus malin qu'une Miss. Attention, première manche. Je propose que l'on démarre avec notre premier candidat qui nous vient de Arlon. Bonjour. Bonjour. Ah ben non, bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. C'est votre dernier mot ? Oh putain, ce serait horrible qu'il le fasse face à lui-même. Ouais. Ah mais ça se trouve, c'est un peu possible. Bon, voici la première question. Quel est le nom du nouveau souverain d'Angleterre qui succède à la reine Elisabeth II ? Attention, trois propositions. Réponse A, Charles III. Réponse B, William V. Réponse C, Harry Ier. Réponse D, Georges V. Bien sûr, c'est un Belge et c'est Charleroi. Tu dirais Charleroi ? Non, c'est Charles III, mais... Et j'ai fait une réponse de miss. Hein. Charles III, bonne réponse. Énorme ! Antoine. Aïe, aïe, aïe. Comment s'appelle... Je les connais hein, pour V, évidemment. C'est les chiffres romains. Mais bref, voilà. Ceux qui se disent dans la voiture, mais qu'il est con. Comment s'appelle le président ukrainien ? Viktor Yushchenko. Vladimir Poutine. Vladimir Zelensky. Vladimir Cauchemar. Ah oui, Olos, le pipou. Bon, tu nous dis quoi ? Volodymyr Zelensky. Bonne réponse. On continue à jouer qui veut gagner une Miss France. Une Miss France, carrément. Ah oui, maintenant on offre les humains. Troisième question. Quelle chanteuse mondialement connue a sorti son album Renaissance en 2022 ? Réponse A, Beyoncé. Réponse B, Aya Nakamura. Réponse C, Lady Gaga. Réponse D, Ariana Grande. Kix. Là pour le coup c'est une vraie question. Bah oui c'est une vraie question. Attends. Redonne un peu vite fait. Pardonnez-moi un petit peu s'il vous plaît Jean-Pierre. Vous foutez de ma gueule. Oui. A, Beyoncé. B, Aya Nakamura. C, Lady Gaga. D, Ariana Grande. Allez la A, Beyoncé. A, Beyoncé. Et c'est une bonne réponse. Dernière question pour Antoine. Quel joueur de football a été récompensé du Ballon d'Or en 2022 ? A. Sadio Mané. B. Karim Benzema. C. Kylian Mbappé. D. Cristiano Ronaldo. C'est pas gentil de poser cette question. Ah oui, bah ça évidemment on a fait exprès. Y'a pas de 50-50 Vous voulez faire peut-être l'appel à un ami ? 50-50 Je n'ai que l'appel à un ami. L'appel à un ami. Allez, c'est parti. Nous appelons tout de suite votre contact, Jean-Michel. Allô, bonjour Jean-Michel. Oui, bonjour. Jean-Michel. Oui. Comment vous compte ? C'est de l'impro total. Dites-moi tout, Jean-Pierre. Avez-vous une idée pour Antoine, notre camarade, qui souhaite savoir qui a été récompensé par le Ballon d'Or en 2022 ? Attendez, j'allume le poste, hein. J'allume le poste. Oui. Ah oh bon, c'est bon, je l'ai, c'est Karim Benzema. Vous dites Karim Benzema. Bon, et oui, c'est une bonne réponse. Merci Jean-Michel. Avec plaisir. Hein. Rappelez-moi de plus jamais faire cette séquence. La Trappe, l'émission connectée qui te fera complètement oublier que c'en est une. Oh non. D'ailleurs, l'équipe aussi a complètement oublié qu'ils doivent parler tech. Ah. Jadoul, dès 20h sur KIF. Justement, en parlant de Jean-Michel, quand on en parle la tête, on en voit la queue. Bref, un truc comme ça. On en parle dans un instant, Jean-Michel et son crypto troquet qui arrive. Merci Nino de me sauver, merci. On l'écoute tout de suite. Et juste après, on va se balader sur TikTok. Pas que pour le Blanklet, il y a aussi d'autres surprises avec TikTok. Il y aura plus. J'ai un gros problème, moi j'aime beaucoup les intros et les outros des musiques. Ah bon ? Ce qu'il y a dedans, je m'en fous un peu, mais j'aime bien les intros et les outros. Voilà, comme ça vous le savez. C'est un petit détail de ma vie que je vous partage. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Oui, et toute l'équipe, et d'ailleurs, beaucoup de surprises arrivent dans cette émission, car, comme chaque semaine, évidemment, où c'est qu'il est, ce truc ? Oh, à nouveau perdu. Le magnifique, pas, franchement. Ouais. Quoi, ça fonctionne pas ? Mais non, c'est pas ça, mais pourquoi est-ce que chaque semaine, j'ai des sons qui apparaissent et disparaissent ? Moi, j'avais besoin de mon ambiance de café, c'est pas grave, le bistrot ouvrira quand même ses portes, même sans ambiance de café. Encore mettre la fanfare. Voilà. Ça, j'ai la fanfare, ça, je l'ai, évidemment. Attends, tu penses bien. Deux. Comme chaque semaine, pour prendre de ses nouvelles, on retrouve Jean-Michel. Il nous partage ses coups de cœur et ses coups de gueule. Pour le moment, il n'est pas en Belgique, il est toujours au Qatar. Et mercredi dernier, on a appris que sa femme l'avait envoyé là-bas pour calmer sa libido et lui faire regarder autre chose que les femmes. On se connecte avec notre liaison audio. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Jean-Doul. Bonsoir quelqu'un qui parle français. Ah oui. Oh, ça m'avait manqué. Hein. Oh, notre Jean-Michel national. Ça va, tout se passe bien à Dubaï? Vous faites quoi de beau aujourd'hui? Alors, actuellement, je suis devant la tour Mia Khalifa. Ah. Ah, je l'avais déjà vue quelques fois en photo sur l'internet, mais là... Non. La voir en vrai, c'est quand même autre chose. Hein. Moi, je ne savais pas qu'il y avait autant de monde qui venait la visiter. C'est sûr que c'est Mia Khalifa, ça, c'est une actrice de bonheur. Vous n'êtes pas plutôt devant le Burj Khalifa? Non, attendez, ne bougez pas, je vais mettre ma caméra. Hein. Ouh là là, non. Ah, ouf. Vous voyez la tour, Jean-Doul? Ah, oui, mais ça va bien, c'était bien le Burj Khalifa, ça, Jean-Michel. Mia Khalifa, ça, c'est encore un autre délire. Hein. Bon. Si les critères de la description restent les mêmes, ça, je vous cache pas. Je ne vous entends pas bien, je pense qu'il y a des problèmes de liaison. Bon, je retourne ma caméra, comme ça, vous me voyez, c'est bon, là? Oula, attendez, là je pensais voir votre gros groin rouge, mais là j'ai une espèce de attendez, c'est quoi? C'est un damier à trous noirs ou... Non, je crois que je suis juste un peu trop près, attendez, je recule. Oh! Voilà. Oh! C'est mieux, hein? Mais qu'est-ce que... Oh! Vous avez quoi là pour une coiffure, Jean-Michel? Ah, ça! Bon, bah, j'ai voulu aller chez un coiffeur, mais comme tu sais, je n'y comprends rien ici, hein. Ah, le gars m'a fait un geste pour dire que je devais retirer mon pantalon, alors je l'ai fait, même si ça me paraissait un peu bizarre. Bah, je me suis dit que c'était peut-être comme ça qu'il procédait par ici, hein. Bah, donc je me suis installé et durant un court instant, bah, je me suis assoupi. Oh, à mon réveil, je me suis retrouvé avec une épilation de l'arrière. Enfin, Jean-Michel, c'est pas possible, vous êtes quand même un sacré personnage. En plus de ça, ils vous ont carrément loupé la coupe de cheveux. Loupé, soyez correct, hein, Jean-Doul. Non, mais... C'est même pas un loupé, hein, car au final, je suis rentré dans mon logement et je le fais moi-même avec des ciseaux, hein, ah. Je sais le faire. Hein. Ouais, ça explique tout ça. Comment est-ce que vous avez fait pour que ce soit aussi net sur les extrémités et qu'il y ait des espèces de trous sur votre tête comme ça? Bah, c'est-à-dire que de base, je voulais utiliser une casserole, mais je n'en avais pas, alors bah, j'ai utilisé une passoire. Vous avez utilisé une passette comme ça sur votre tête? Vous êtes coiffé à la passoire? En quelque sorte, oui. Pourquoi ça se voit tant que ça? Bon, non. On dirait juste des mauvaises herbes sur une belle pelouse, quoi. C'est vraiment pas très sympathique, ça, mon Jean-Doul. En plus, je n'ai plus rien pour boire et pour encaisser. Ouais, mais attendez, quoi, c'est votre semaine d'abstinence au Qatar? Non, c'est la deuxième semaine que vous vous abstinez? C'est la deuxième semaine, oui. Ça va aller, Jean-Michel? Non, il faut que je chante, il faut que je chante. J'ai déjà vu mes lits de bien. Jean-Michel, non mais arrêtez. Mais arrêtez, vous allez vous faire du mal là, c'est fini, oui. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. La semaine prochaine, vous revenez en Belgique, Jean-Michel. Hein. Oh, oh là. Bah oui. Oh, là, c'est fini, les conneries au Qatar. Hein. Elle est bonne, sa mère, j'ai le seum, faut que je la chope. Sans transition. Et on oublie tout. Et surtout, on n'oublie pas d'envoyer un petit message WhatsApp. La trappe de 20h à 22h avec Jadoul sur KIF. Alors, on attend plein de réactions qui sont déjà arrivées toute cette soirée sur le 02 315 10 15. On parle des machines qui parlent à l'homme. Est-ce qu'il faut qu'on mette des il et des elle, ou alors est-ce qu'il faut juste être pas du tout genré? Toi, Antoine, est-ce que t'aimes que la machine te parle avec des... comme si t'étais un autre humain, enfin voilà, comme si t'avais une discussion avec un humain. Je t'avoue que ça me... Non, tu t'en vraiment de... Ouais. Mais en plus, surtout que maintenant, quand on configure, je vais y arriver, iOS, depuis quelques mises à jour, effectivement, quand tu termines le process de... d'initialisation de, ouais. de l'appareil, il te demande est-ce que vous êtes masculin, féminin ou est-ce que vous voulez non-genré. Ah oui, ouais. C'est ce que tu m'avais expliqué ça. Mais c'est un peu comme ça qu'on a trouvé ouais. le thème de l'émission, mais c'est vrai que... Moi j'ai l'iPhone 7 donc j'ai pas ça. Oui, oui. Bah, mais d'ailleurs, t'as un très beau Macintosh. Merci. Et t'es lavé en plus. Oui, mais il chauffe tout le studio. Oui. Et... C'est un avion. Il faut savoir que quand Kix il vient au bureau et qu'il me dit « Ah, mon ordinateur est très long », bah, je regarde un peu ce qu'il y a dessus. Je t'avoue que j'hésite à reconvertir à chaque fois son ordi en machine à panini. Je suis jamais sûr de l'usage final de la machine, mais très rigolo quand même. C'est un toaster. Un toaster. On reçoit des messages ou pas Oui, on a eu... Vocaux Non, écrit. Ah, merde. Ah oui, merde. Ouais, c'est très bien. Bon, bah, je le lis pas. Non, c'est qui nous écrit? Alors, c'est Pauline qui nous envoie. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Oui. Alors, je pense que le langage non-genré des appareils est intéressant, mais ce serait bien qu'il ne soit pas demandé à l'utilisateur de choisir. Je trouve qu'il pourrait directement être inclus. Je ne vois pas l'intérêt de genrer un appareil électronique, surtout qu'il peut être prêté à quelqu'un, enfin à plusieurs personnes ici. Ah oui. Je pense que cela n'a pas d'intérêt d'inclure l'utilisateur dans les fonctionnalités de la machine. Et c'est vrai que l'ordinateur familial, au final, papa, maman s'en oui. servent, frères et sœurs s'en servent, Yel aussi s'en sert. Et puis voilà, il faut que tout le monde s'y retrouve. C'est vrai que emprunter la tablette de papa et qu'elle lise des trucs masculins, voilà, je sais pas. Ouais. Moi, j'avoue que ça me passe au-dessus. Mais c'est ça. Enfin, en fait, c'est des trucs qu'on s'en fiche. Voilà. Mais bon, si ça fait plaisir à certaines personnes. Bah oui, bah écoute, voilà, c'est ça la magie aussi de 2022, c'est de voir anticiper tout ça. Et quelque part, c'est vraiment des gens qui vivent ce mal-être-là. Au moins, on le sait. Antoine nous l'a confirmé. Il y a moyen de choisir. En tout cas, sur iOS, oui. Je suppose que sur Android, sur macOS, sur Windows, il doit y avoir des options similaires. Mais moi, je n'ai vu que sur iOS pour le moment. Bon, bah, Apple, encore une fois, très clair. Et peut-être que dans les bas-fonds des réglages de Windows, il y a peut-être un réglage comme ça. Putain d'époque, j'ai payé mes impôts et j'ai primé mes docs. Putain d'époque. Ça rime, TikTok dans quelques instants. T'es pas dans les codes, putain d'époque. On va tomber sur un garçon incroyable, ça se passe ici en Belgique. Ça va être fou. Cette séquence, elle arrive dans un instant et on va avoir aussi nos pires reprises de TikTok. Le principe est simple, on prend un très très bon chanteur de TikTok qui nous fait une cover de son artiste préféré et c'est à nous de retrouver qui il a voulu massacrer. Chanter, c'était ça le mot, chanter, ouais, c'était ça. Je suis désolé. Bien rattrapé. Ouais, je... Urban music non-stop, c'est bien. Les délires de la trappe en plus, c'est mieux. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Voici du belge, justement. Personne ici ne sait imiter Enrico Macias par hasard. Non. Ah non. Malheureusement, je vais essayer d'apprendre. Oh, c'est dommage, c'est dommage. Pourquoi je fais Chantal là-dessus quand j'ai ça, je ne sais pas. C'est dommage, j'ai un tension, il passe les couilles. Rocky orthophoniste, tu ne les as jamais vus dans ton cabinet. Ah mais non. Et c'est normal, dans la trappe, c'est le moment de les découvrir. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Dans quelques instants, ça va être la foire ici, ça va être la fanfare, ça va être nos séquences de forains vont revenir. Juste avant ça, il fallait quand même que je vous partage ce garçon qui s'appelle... Alian 66 sur TikTok. Il était Alliance 66. Alliance. Alors c'est pas un groupe, hein, on dirait Alliance 66. C'est une agence. Non, c'est un vrai truc qui s'est passé. Alors je sais pas si vous avez suivi ce truc sur CNews. C'est une image. Ils s'en sont servis toute la journée. Une dame qui sortait du métro, c'était à Boulogne, contrairement à ce qu'ils ont dit, c'était pas à Paris. Une dame qui sortait du métro et qui avait une démangeaison dans le bras. Et cette démangeaison dans le bras, en fait... Qu'est-ce que j'ai qui... Ah, j'ai un truc qui me... Vous avez une bestiole qui... Oh, c'est une bestiole, oui. Ah. Alors voilà, c'est... Oh là là là là. Il y a une souris dans votre sac. Ah, quoi, quelle horreur. Il y a une souris dans votre sac, oui. Oh mon Dieu. Yeah. Mais... Ah bah vous voyez, elle est juste là. Ça alors, madame, vous avez une souris dans la manche. Regardez ça, en fait, c'est pas une souris, c'est un rat. Oh, un bon rat dans la manche de la veste de cette madame. On dirait que c'est tellement théâtral. Genre, oh, mais oui. Qu'est-ce que c'est de ça? Oh là là, en fait. Mais vous avez une souris dans le bras. Le truc, c'est que c'est un journaliste de CNews. Donc lui, il y a de l'action, donc forcément. Oh, madame, vous avez un rat dans votre... Serait-ce Vladimir Poutine? Rat explosif. Je joue malheux. Et donc, on s'est dit, tiens, est-ce que nous, il y avait des rats en Belgique, à Bruxelles? Bah tiens, on a mené l'enquête grâce à Alian 66. Voilà, je suis direct du Pam Pam ici en ville. Et voilà, regarde ce que j'ai trouvé. Voilà une souris. Voilà, je l'ai attrapé, fils de... T'aimes ça? Tiens. Vite à vie, mon pote. Bah dis donc, bah dis donc, qu'est-ce que c'est que ce langage? Il joue dans Ratatouille, c'est... moi, tous ces gens qui parlent comme ça, tu sais, ça me fait rire, ça me fait penser à Enrico Messias. Tu vas te faire des amis, toi. Bah non, mais... Enfin, je sais pas. Mais je connais des gens qui parlaient tout à fait normalement et qui, du jour au lendemain, a dit... Tu sais, l'autre jour, la fille, je te jure, elle a, c'est un espèce d'accent marseillais mélangé à un accent... Ah, ça, c'est la télé-réalité qui détend. D'Enrico Macias. Non, mais j'ai beaucoup de mal avec ça. Non. J'ai entendu une conversation entre deux meufs qui sortaient de l'école l'autre jour dans le métro. Bah, franchement, j'ai rien compris. Je pense que c'était juste à base de... Tu vois. Et qu'il lâche des wesh alors qu'il... voilà. Et le mec, tu vois... Il m'a pas calculé. Et gros, ouais. Wesh. Oui, c'est vrai que c'est à base de ça. Ah, ça me supporte. Ah, j'en peux plus de ces trucs. Non, mais juste ça. Voilà, je suis en direct du pam-pam ici. Direct. Je suis en direct. Je suis pas en direct, je suis en direct. C'est incroyable. Bon, ça, c'est un avant-goût de TikTok. Hein. Le costaud, la suite, ça arrive tout de suite. 20h, 22h, c'est la trappe sur KIF. Ça reste le retour de The Weeknd. Ah, j'adore. Merci, Jadoul. Nouveauté. Mais plus fort. Merci. Qu'annonce nouveau de week-end, ça fait plaisir. Et tu fous ma gueule, toi, tiens, prends-toi ce fluo là, tiens. Ce canon que tu sors à chaque fois. Bah, c'est vrai, c'est canon, bah, voilà, il faut le dire. La trappe de 20h à 22h avec Jadoul. Sur KIF. Bon bah les gars, je suis désolé, je trouve que c'est pas avec un jingle comme ça qu'on va lancer la dernière séquence de cette émission. Canon ce jingle. Non, ça va pas du tout. Et si on mettait vraiment une putain d'ambiance pour finir cette émission? Allez. Vous la sentez, cette grande séquence qui arrive. Le pouvoir de faire des reprises sans en avoir rien à foutre du tempo. Ouais. Le pouvoir de faire des reprises sans se soucier des paroles. Ouais. Sans se soucier du ridicule. Ouais. Énorme. La séquence s'appelle le blind test parce que c'est un blind test avec que des clettes. Ouais. Mais assis ici, ça suffit pas. 1, 2. Ah, là c'est bon, là on est lancé. Là bon. On a des vrais artistes. Là, la soirée elle peut débuter. C'est parti, hein. C'est parti, hein. C'est parti, c'est parti. C'est parti, hein. Merci beaucoup. Voici votre grande séquence. Le Blanklet qui démarre dès maintenant. On a plein d'extraits pour vous. Tout est issu de TikTok. On n'a rien inventé. Ça provient tel quel de là-bas. On démarre avec le premier. Attention, Kix, tu joues contre Antoine. C'est parti. Ah, on reconnaît la mélodie, je trouve. Bon, si tu trouves, c'est bien. Non, facile. Après, j'aime beaucoup ce qu'ils font, donc forcément. Si tu veux, Antoine, tu peux donner le début, je donne la fin. Ah, les deux me regardent avec un regard vide. Allez, c'est facile. Ouais, c'est bon, bon, la trop est longue, hein. Allez, chante, Eno Love. Non, il veut pas. Il est en congé, là. À 22h, il dort. Hein. Ça te dit quelque chose? Niagara, non. Non, pas Niagara. À côté. Oui, je, c'est pas très loin, hein, mais. Voilà, de toute façon, c'est que l'instru, hein. Donc au final, c'est un vrai blind test. Eno Love, chante, s'il te plaît. C'est comme ça. La, la, la, la, la, la, la, la. Ah, ouais, le secret, ça coupé, ça donne. Faut que je move. Sans fin du venin, ce qui me fait mal. Faut que je move. Ah, tu crois qu'il dit, il faut que je move. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Le est-il trou. Ivre mort? Je sais pas. Attends, si. Personne ne l'a. Si, allez, allez. Non. Les 3, 2. Oui, c'est ça, je l'ai sur le bout de la langue, mais les. Aita Mitsuko. Mais oui, évidemment. Et par contre, on peut remercier le stagiaire qui m'a borné ce son comme un veau. C'est pas le refrain du tout, ça. Ma copine va m'en vouloir, là. Vous êtes prêts pour la version d'Eno Love? Viens près de moi que je te le dise. Faut que je m'ouvre. Ce secret qui me tord. Je suis désolé, mais j'entends autre chose à chaque fois que faut que je. Oh, la, la, la, la, la. Canon, ça aussi. Allez, ce qui nous fait 0 partout, c'est pas grave, on continue avec cette deuxième manche. Did a full 180. Plus dur, c'est à blanc. Crazy. Thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe. Si, Dua Lipa. Bonne réponse, Kik, ça te fait un point. Try to hurt me with the word goodbye. Elle est très forte, Esmeralda. Don't show up, don't come out. Don't start caring about me now. Ça fait plaisir. Elle a mal digéré son souper du soir là, ça s'entend. Ah, mais elle est en direct de ses toilettes. Elle chante pour pas que les voisins entendent. Troisième manche, attention, on remonte un peu plus dans le temps. Je pense que c'est plus pour toi, Antoine. Sympathique pour Antoine. Non, mais une culture beaucoup plus large, je trouve, sur les années vrai, antérieures. Pas que... même sur toutes les années. Comparé à toi. On écoute Ludovic. 69 000. Et maintenant, que vais-je faire? Ouais. Que vais-je faire de tout ce temps? Michel Sardou? Non. Que sera ma vie? 22h07. De tous ces gens qui m'indiffèrent. Je n'étais pas prêt pour celui-là. Maintenant, quand tu es parti. C'est Monsieur 100 000 volts. Comme on l'appelait. Pourquoi, pour qui? Bon, personne ne l'a. Voulez-vous juste j'ai écouter tout, pour le plaisir. J'ai tout sur le bout de le bout de la langue. Bon, vous voulez que je vous avance un peu plus? On a la même langue, c'est bien. Allez, c'est bon, c'était Gilbert Bécaud. Et maintenant, que vais-je faire? C'est très sympa, version Ludovic. Bon, mes amis. Ça passe sur Radio Familiale. Ah oui. C'était donc bien Monsieur 100 000 volts. Ah, c'est ça. Ah, ben là, on est sur une grosse ambiance. 2000 watts de puissance sonore et 15 000 watts de puissance lumineuse à votre disposition. The Music Machine. Il n'y a pas assez de KIF en sueur. Bon, voilà, c'est fini ça. Quatrième manche. Bob Marley. Bonne réponse, et on l'a pas. Qui est le stagiaire qui fait les sons cette semaine? Il n'y a rien qui va. Allez, pour le stagiaire. C'était effectivement Bob Marley. Was a Buffalo Soldier. And oh là là. He come from Africa. Blue to America. Et il pouvait chanter dans les deux oreilles aussi, hein, ça pouvait fonctionner. To meet makes a lot of sense. How's the luck, Rasta? Un jour on se les écoutera en entier quand même, hein, ces covers, hein. C'est vachement sympa. Ça fait un point pour qui là, ce Bob Marley? Kix, félicitations, ça merci fait deux bien. Points. Antoine, bah enfin, cette semaine. Oui. À deux secondes près, là. Il a tout donné sur la première et là il finit à blanc. On dirait moi, non rien. C'est Scatman. Oui. Bonne réponse d'Antoine. Ah, il se réveille, t'aurais pas dû le chauffer. Hein. De toute façon, notre stagiaire n'a même pas mis le son. Donc on va l'écouter en version cover uniquement. Bah, c'est pas mal, hein, c'est fidèle à l'original. En direct de la trappe. Je mets de quoi là derrière ça? J'ai absolument rien. Et si on avance un peu plus loin dans la cover? Ouais. Oh. Ils sont pas synchro, ils chantent pas la même chose. Avec Roger au platine. Bon bah les gars, faudra revoir ça, hein. Et Jadoul à la console. Eh ben bravo, très très belle cover. C'est donc Scatman effectivement, ce qui nous fait 1-2. Eh ben c'est un très beau score en faveur de Kix cette semaine qui remporte le bicyclette. Ah oui, c'est fini. Ah, ça s'est joué serré, hein. Dans l'intime minute, ça y est. Ah mais c'est incroyable. 22h11, on note ce jour d'une pierre blanche dans le calendrier. C'est pas normal. Kix a enfin réussi. C'est quand même incroyable. On peut réécouter cette émission, Antoine, quelque part peut-être? Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. On est partout. Faut bien lui rappeler sa défaite, c'est sympa, toi. Donc t'as perdu, ok, on peut réécouter cette séquence, ok, sur Spotify. On peut réécouter ta défaite. Voilà, notez bien, hein, notez bien. Vous pouvez évidemment vous mettre ça comme aux sonneries de réveil, voilà. Bien entendu. Ah, on a encore passé une très bonne émission. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on se disait encore au revoir avec cet extrait d'une autre radio. Il est temps de vous dire au revoir. Eh ben, on l'a remixé. Il est temps de vous dire au revoir. Ah, version église. De remplir les CD, de baisser les curseurs des tables de mixage, de monter, récupérer les micros dans les triforiums. Amen. Et de faire stop aux diffusions streaming. Et les signaux seront pour de bons partis dans les vagues internet. Amen. En vous souhaitant plein de bonnes choses, que votre écoute demeure encore fidèle, que votre vie et votre nuit soient douces et belles, je vous tire mon chapeau et vous dis bon vent à tous. Au revoir. Coup de fusil à la fin. Ah, c'est énorme. Francky Vincent veut nous dire également au revoir. Encore une fois, je vous souhaite tout le bonheur du monde et une longue vie sexuelle. Merci beaucoup, Francky. Et voilà. Je vous souhaite dorénavant une excellente soirée. Je vous embrasse toujours. Et n'oubliez pas que ce vendredi ci, je serai sur Bruxelles à Uccle pour se rencontrer, pour avoir des dédicaces, etc. Non. Allez, c'est pas sûr ça. Allez. On oublie tout ce qu'on vient de faire dans la trappe, quoique ça restera quand même dans les annales de la radio. Ah, on adore. On adore, c'est encore une grande émission qu'on vient de déverser sur cette antenne. Je pense que c'est le bon mot. Qu'est-ce que vous faites le soir? On déverse une émission de radio. Ah, c'est énorme. Je te souhaite une très bonne semaine, Antoine. Vous aussi. Un bon établissement. Merci bien. Oui. Au plaisir de te revoir prochainement parmi nous. D'autant plus que dès la semaine prochaine, on va passer en mode Noël dans cette émission. Enfin, en mode fête. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y aura des nouvelles séquences, des nouvelles choses. Ça va être encore très très sympa. Et vous allez pouvoir découvrir des nouveaux personnages et des choses sous d'autres angles. Ça va être énorme. Ça va être très sympa. On se dit à la semaine prochaine. Salut Kix. À la semaine prochaine. Salut tout le monde. La trappe revient mercredi prochain. Oui, mais une dernière fois pour vous l'ayez en tête. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you'll get very fat.